20€ offerts tous les 200€ d'achat. C'est exceptionnel. Et ce n'est que jusqu'à lundi. Alors on se dépêche, on se dépêche. Offre réservée aux porteurs des cartes de fidélité. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron. Alors cette fois au vin. Eh ben en ce moment, la bouteille de Bordeaux Terre Légendaire 2023 AOP est à 1,99€. 1,99€ la bouteille. Bah, ça fait... Eh ben 11,92€ le carton de 6 bouteilles, dont 2 offertes. Je vois rouge, t'es mal hein. Lidl est vraiment le moins cher. Et vous le prouvez sur Lidl est moins cher. 2,65€ le litre au lieu de 3,97€. 2,98€ la bouteille vendue seule. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Des remises en pleine forme avec Intersport. Hello l'équipe. Alors comment trouver sneakers à son pied sans faux pas? Facile, avec la Puma Vistouquet. Tendance, super looké et en super promo. La base quoi. Chez Intersport, jusqu'au 23 mars, les sneakers Puma Vistouquet sont à 54,99€ au lieu de 89,99€, soit 38% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Du 6 au 8 mars 2025, embarquez à bord des bateaux Croisés Europe à Paris pour découvrir l'univers de la croisière fluviale. Visitez les bateaux, profitez d'offres exclusives, échangez avec les équipes et assistez aux présentations des nouvelles croisières. Déjeuner sur place, soirée de gala et un jeu concours pour tenter de gagner une croisière. De 10h à 18h, du 6 au 8 mars, à bord des MS Renoir et Botticelli, quai de Grenelle à Paris, entrée libre. Plus d'informations sur croisiereurope.com avec Chant de France. Leclerc, bonjour. Attention, blind test sur vos chips slice en promo. Barbecue. Et là. Emmental. Plus dur. Poulet rôti. Et c'est gagné. Vous aussi, vous avez gagné. Car jusqu'au 8 mars chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets de chips slice à 1,29€ pièce, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 6,37€ le kilo, différentes variétés disponibles, modalités magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. S comme S-Line, mais aussi comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, l'iconique finition Audi S-Line, avec son style affirmé et son ambiance sportive, est offerte sur une large sélection de modèles. Votre prochaine Audi S-Line n'attend que vous. Finition S-Line offerte sous forme d'avantage client pour toute souscription d'une offre en LLD dans le réseau participant, si acceptation par Volkswagen Bank. Voir modèles éligibles et conditions sur Audi.fr. Retrouvez vos partenaires Audi en Ile-de-France sur Audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Avec les défis Waouh, Auchan fait le choix de rendre toujours plus accessibles vos marques préférées. Sélectionnez vite vos défis sur Auchan.fr. Vous avez du 1er mars au 30 avril pour cagnoter jusqu'à 50€ sur vos grandes marques préférées comme Coca-Cola, Nutella, Danette, Panzani ou Skip. Oh, merci. Encore une belle marque d'attention. Auchan, le choix, le bon. Conditions et liste des magasins participants sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Là, vous entendez? Le roi Merlin, mais de loin, parce que vous êtes dans votre jardin en train de faire un foot avec des copains. Sauf que là, quand je dis que jusqu'au 18 mars, la lame de terrasse en bois exotique Kumaru de 2,40 m, ultra résistante, est à 26,90€ au lieu de 30,03€, là vous criez « Hey les gars, pour le foot, si on se faisait des gradins !» Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Soit 77,30€ le mètre carré. Cuir Center. Maintenant, vous savez que Cuir Center fait des canapés en tissu. Alors parlons des jours irrésistibles. C'est le moment de craquer pour le canapé Bali double profondeur à 1690€ au lieu de 2210. Plus de 500€ d'économie. Des prix irrésistibles sur une sélection de canapés, c'est jusqu'au 24 mars chez Cuir Center. Maintenant, vous savez tout. Détails sur cuircenter.com. Pour vos fenêtres, portes, volets et pergolas, faites confiance à Triba, élu meilleure enseigne de menuiserie française pour la 6e année consécutive. Rendez-vous dans l'un des 300 espaces conseils Triba ou sur triba.com. Triba, bienvenue dans l'habitat de demain. IKEA. Mon cœur, t'as vu mon portable? Il est là. Et mon ordi? Juste ici. Et ma casquette? Sur ta tête. Oh. La vie est plus simple quand tout est bien rangé. Jusqu'au 25 mars chez IKEA, profitez de moins 20% sur notre système de rangement modulaire Besto avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr. Classic Gold. Classic Gold. Far away from me, I'm tired of making out on the telephone.

say, I know the moment isn't right to tell the girl a comical line to keep the conversation right. I guess I'm just frightened out of my mind, but if that's how I feel, then it's the best healing I've ever known. It's undeniable. I know I'm in love, but just when I ought to relax, I put my foot in my mouth, 'cause I'm just avoiding the facts. If the girl gets too close, if I need some room to escape, when the but that's not how I feel. No, that's not the woman I know. She's undeniably real. So leave a tender moment alone. But it's not only me breaking down when the tension gets high, just when I'm in a serious mood. Suddenly quiet and shy. Even tender moments, leave it alone. Even tender moment alone. No, the moment isn't right to hold my emotions inside, to change the attitude tonight. I've run out of places to hide, and if that's how I feel, then it's the best healing I've ever known. It's undeniably real. Oh, leave a tender moment alone. MBS, c'est aussi partout, à tout moment, sur radio-mbs.fr. Traveling in a fighter combi, on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Six foot four. bienvenue sur MBS. On écoute Abba dans un instant, juste après les infos. Bonjour à tous. La Russie est devenue une menace pour la France et pour toute l'Europe. Emmanuel Macron met en garde les Européens et les appelle à s'unir à la veille d'un sommet européen sur la défense prévu aujourd'hui à Bruxelles. Pour le président, la menace russe ne connaît pas de frontières et va bien au-delà de l'Ukraine. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. La paix en Ukraine pourrait passer par le déploiement de forces européennes. Celles-ci n'iraient pas se battre aujourd'hui sur la ligne de front, mais uniquement une fois la paix signée pour en garantir le plein respect, ajoute le chef de l'État. La décision de recourir à l'arme nucléaire a toujours été et restera entre les mains du président, assure par ailleurs Emmanuel Macron, qui souhaite toutefois ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe par l'arme nucléaire française. Dans le reste de l'actualité, il est considéré comme le chef du commando qui a conduit à l'évasion de Mohamed Amra, un complice présumé du narcotrafiquant, doit être transféré vers la France aujourd'hui. Il a été arrêté fin février en Espagne. Au total, 19 suspects ont été mis en examen dans cette affaire. Le conclave sur les retraites entre dans le vif du sujet. La deuxième réunion se tient aujourd'hui et les partenaires sociaux vont évoquer le sujet qui fâche, à savoir la question de l'âge de départ à 64 ans. Et puis en foot, le PSG devra créer l'exploit mardi prochain à Anfield. Dominateur toute la rencontre, les Parisiens se sont inclinés sur le fil 1-0 hier soir en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Excellente matinée à tous. MBS. MBS. C'est différent. C'est différent. History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Must be obeyed.

the smile hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Just